Si l'on brosse un portrait de tous les instants passés, si l'on dresse une liste de ce qui nous opposait, et si l'on n'oublie rien sauf ce qu'on peut éviter. Les femmes et leurs amants d'abord, là-dessus nous tombons d'accord. Alors l'indépendance, gagnant à l'isolement, des efforts de tendresse, renforçant l'illusion de tous les artifices. On connaît la chanson. Les femmes et leurs amants d'abord, là-dessus nous tombons d'accord. Ce don de double vue contre ma cécité, je ne peux que t'en féliciter. Au royaume des sourds, l'aveugle en est muet. Les femmes et leurs amants d'abord, là-dessus nous tombons d'accord. Ça n'est pas qu'on mente, comme on respire, c'est juste qu'on ment, parce qu'on ne peut plus se sentir. On peut bien s'ignorer sans avoir à punir. Les femmes et leurs amants d'abord, là-dessus nous tombons d'accord.